Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahullah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. 17e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ما معنى حدث يحدث؟ لا حدث يحدث ما كنت حصل على لا حدث يحدث ما معنى se produire arriver مثل حصل يحصل Quand on texte Mata Hadatha Hadza, quand est-ce que c'est arrivé? Muntasaf, Leil, Mathalan. Muntasaf. La moitié. Non. Sha'ara Yashuru. Sha'ara Yashuru. C'est. Ah, c'est. Ah, c'est. Ressentir. Humma. Humma. Humma. Humma. La corde est charla bi humma wa alam fi batni. Humma. C'est une douleur. La. Humma. Humma. C'est alam la douleur. Franchement, j'ai pas bien appris, Cette nuit-là, j'étais fatigué. La fièvre. Button. Bliss. Ça, c'est vraiment. Ittasola yattasilu. Appeler, téléphoner. Téléphoner. L'is'af. L'urgence. Secours. Ouais. Ashifa. Guérison. Al-Ajil. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, mashallah. Yamin. Yamin Allah. Alaikum. Al-Ajil. Elle. العاجل عاجل كما قال نتمنى له الشفاء عاجل عاجل عاجل رابيد نعم نعم تمنى يتمنى ليل تكلم يتكلم تحدث يتحدث تحدث يتحدث تعرف معنى؟ discuter. Discuter. Macha yamshi. Marcher. Akala yakulu. Manger. Raja yarji'u. Revenir. Marid. Malade. Amsi. طيب. طيب أمس قلت لك أن الفعل كان بذب كان يدخل على الجملة الإسمية يغند لفظ من الإسمية ويغير الاسم المرفوع بعده صدير الاسم كي مرفوع كمون أبل كان عمر مثلا جالسا عمر سكوى عمر كان عمر جالسا اسم كان أصلا أي أحسنت وجالسا خبر نعم خبر كان خبر كان ومنصوب أحسنت اليوم قلنا التمارين كم رابع هكذا خمس طيب املأ الفراغات في الجمل الآتية باختيار الكلمة المناسبة مما يلي طيب الجملة الأولى ماذا كتبت؟ كان إبراهيم مسافرا بالطائرة نعم بالطائرة نعم بالطائرة ثانيا كان عبد الله ماشيا في الطريق ماشيا في الطريق ثالثا كان إسماعيل نائما فوق السرير فوق السرير ثالث رابعا كان أحمد جالسا على الكرسي نعم خامسا كان سليم ذاهبا إلى المعهد طيب أحسنت سادسا سل كل كلمات من كلمات المجموعة ألف بمرادفها من كلمات المجموعة باء كما في النموذج كلي أنتخلي سينونيم دالي دي كولون طيب العادل سريع طيب حدث حصل نعم يتمنى يرجو في الماضي سي رجاء كالف ممدودة رجاء يرجو التالية الآتية طيب سابعا استخدم كل كلمات من كلمات الآتية في جملة مفيدة لمفيدون دون الفراز في un sens. Franchement, je l'ai pas fait celui-là. Ça y est, notre cas de terrain, allez, les radins. Inch'Allah. Les radins t'affalent. Donc, notre طيب العنوان عمر يلزم سرير المستشفى كعمر comme on dirait est cloué sur l'hôpital fait يلزم c'est une chose qui est obligatoire comme un sédatif mais le sens qu'ils veulent par là c'est qu'il est bloqué sur l'île allongé il est contraint de rester sur le lit d'hôpital c'est ça qu'ils veulent dire par là par يلزم voilà bien que لازم يلزمو peut être employé dans une autre situation et prendre le sens. يعني مستشفى في الهوبيتال مساعدتي الكلمات الجديدة حول يحول بس ترانسفير ترانسفيري المصدر في التحويل qui vient de transférer. Lazima yalzamu. Et comme je vous l'ai dit là dans le texte, ce qu'ils veulent par là, c'est qu'il est une forme de contrainte de rester allongé, de rester au lit. Et lazima, ça peut être aussi genre yalzam alayka kaza. Il est obligé de faire telle ou telle chose. Wajaba alayka kaza. Ça a le sens de wajaba aussi. Al-Muhim, là dans le texte, il veut dire quoi ? Qu'il doit rester au lit. Qismun, là dans le texte, par qism, à la base, qism, c'est une section d'une chose. Et là, il veut quoi ? Un service, parmi les services hospitaliers. C'est comme ça qu'on dit ? Un service, oui, un service. Donc, un service tueur, il n'y a pas d'autre mot. Les urgences, service enfantile, pédiatrique, ou je sais pas quoi, service maternité. C'est ça qu'on dit, c'est un service. Ouais, c'est ça qu'ils veulent en fait. Al-Batiniya, là c'est un mot qui s'apporte au ventre. Qui veulent en fait le dire que, comme dans le texte là va apparaître, Anufilqism al-Batiniya, qui est dans le service des ventres en fait. Là où on soigne le ventre. La base Bartinia, c'est une chose intérieure. Bartini, c'est une chose qui est intérieure, ou cachée. Quand on dit fil Bartin, c'est le contraire de Minchalij, au Zahir. Mais là, je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est un truc qui se rapporte au ventre, à l'intérieur. Un moustachfa, l'hôpital. Marouf. Makassa et Mkoussou, c'est en fait rester une période, résider. Et ils veulent hospitaliser, je pense, dans le texte. Mais on dit Kad Makasta, vous savez le film Kan Kada Wakada, combien de temps tu restes là-bas, dans tel lieu ? Parmi les sens, n'a pas resté. Aladja yu aladju, soigner. Et soigner. Ayyamun adajam yom. C'est le jam de yom qui veut dire jour. Donc là, c'est les jours, ou des jours. Zara yazuru. Kad marra mina. Man yafkuru. On l'a dit après, j'ai passé par. Non, visité, par simple. Fahasa, yafhasu. Kazali, kod barrabina. Amana fahasa, yafhasu. Ça, c'est contrôlé, ça. Contrôlé, analysé, examiné. Donc là, c'est l'examen. Comme le frère médecin. Mais c'est comment on compte, c'est yafhasu. Auscultation. Hein? Yafhasu. Yafhasu, non. Donc, yafhasu al-marid, c'est ausculter le malade, en fait. T'as le sens d'examiner. C'est le même sens. Al-yoma, c'est aujourd'hui. On dit al-yoma kalifu al-lem. Kufel, c'est aujourd'hui. Et raden, al-aks, demain. Une erreur que beaucoup de gens font, ils disent tout le temps raden, raden, raden, raden, raden. Comme si le mot il était moulazin ou une lance. Non, Aden il peut venir avec une kasra, ça dépend ce qu'il y a devant. Vous voyez ? Pas avec une dame. Si, ça, peut, ça dépend de ta phrase. Non. J'ai pas d'exemple en tête, mais c'est pas un mot qui est. C'est un mot qui est bon en l'âme. Il prend la haraka en fonction de la phrase. Quand on lit, on s'arrête. Mais sinon, si tu lis, c'est l'iradine écrit dans le Coran. Vous voyez ? Parce que chacun regarde ce qu'elle a fait pour demain, pour l'avenir, en fait. Donc, faire attention. Souvent, l'emploi mansoub, très souvent les mansoub, il faut faire attention. Ce n'est pas obligatoire. Taïeb, tarkib al-nahwiyya wa sarfiyya, ça t'a dans le nas. Ou dans les ta'birat, dans les expressions, il écrit tout en bas, lazim as-salir al-mustashfa. Vous voyez ? Qu'il reste allongé sur le lit d'hôpital. Il doit rester allongé. Tamam, le hiwar. Othman ou Ali. Anta Othman ou Anta Ali. Et là. Naam. Maza qarrara at-tabibu. Qarrara. Limaza qarrara. Là, comme vous dites, maza. Maza qarrara. Naïo. J'ai pas envie de chedda sur le ra. Maza. Maza qarrara at-tabibu li'amr ams. Naam. Ça veut dire quoi déjà, on avait dit qarrara. Aïwa, ah ben là c'est décrété. Hein? Décrété? Non, qu'est-ce que le médecin a décrété pour Omar hier? On va dire qu'est-ce qu'il a décidé. Tu vois? Ça ressemble un peu. On va dire qu'est-ce qu'il a décrété. Ali? Là en fait c'est vous, ils ont fait une erreur. Donc, il l'a examiné, ensuite l'a fait transférer à l'hôpital. Othman. Est-ce qu'il est retourné au dortoir? Ali. فقد لزم سريرا المستشفى ليعالجه الطبيب. نعم. كدي نو. Il est resté allongé sur le lit d'hôpital pour que le médecin puisse se soigner. في أي قسم هو؟ Donc, dans quel service est-il؟ في قسم باطنية في الطابق الثالث. الثالث. الحجرة الرابعة. ذكر الأخ إذا بتلعبون في خارج المسجد. ذكر الأخ. Donc il dit, il est dans le service, il se rapporte au ventre. في التابق, التابق c'est l'un des sens pour dire étage, là il veut dire étage. Troisième étage. التابق الثالث. Troisième étage. الحجرة الرابعة. La chambre 4, quatrième chambre. Je vais le visiter demain, Inch'Allah. Et tu peux dire aussi Sa'oudou. On a dit Aada Ya'oudou, c'est aussi le sens de visiter. Vous l'employez pour visiter. Aada Ya'oudou, vous l'employez aussi pour Zahra Yazourou. عيادة المريض هي لزيج بلد اجلس طيب اولا يقول استمع وردد فحص الطبيب عمر امس امس سيقول ذي Les noms qui définissent le temps en arabe, comme on l'appelle Zarf Makan ou Zarf Zaman, qui définit le temps ou le lieu, Soumansoub. Vous voyez, Soumansoub. Et la Amsi, lui, c'est un de ces noms-là, qui se nomme Zarf Zaman, vous voyez, un lieu qui indique un temps. Mais lui, Amsi, le spécial, il est même mis. Il y a surtout qu'une kasra. Tu ne dis pas Amsan, tu dis Amsi. Toujours. Donc le docteur a consulté Omar hier. Lam yafhas at-tabibu Omar ams. Quand lam il rentre dans un film mudarir, on a dit que ça veut dire quoi? Lam. C'est la négation? Non, une négation qui ramène au passé. Donc le tabib n'a pas consulté Omar hier. Qu'est-ce que ça veut dire? Consulter ou là? Ausculter, ausculter. C'est Omar qui consulte et c'est le tabib qui ausculte. ثانيا حول الطبيب عمر للمستشفى أمس donc le médecin a fait transférer Omar à l'hôpital hier. لم يحول الطبيب عمر إلى المستشفى أمس. Donc le médecin n'a pas fait transférer Omar à l'hôpital hier. N'oubliez pas là, comme je m'arrête par quand on fait la liaison, quand on dit lam, on a dit quoi le lam? Si le verbe il n'est pas attaché à un damir, il prend une soukoun. Donc à la base, par exemple dans la deuxième phrase, lam yafhas, c'est une soukoun qui est sur le sod. Walam yuhawil, c'est une soukoun pareil. Mais quand on fait la liaison avec alif ou lam, on kasra. Tu dirais, lam yuhawil tabibu omara le mustashfa ams. Et quand on s'arrête, il n'y a pas besoin. Ça c'est pour le verbe qui n'a pas de damir qui est attaché, muddamir muttasil, et ni qui a le harf illa à la fin qui n'a pas un ya ou un waw ou un alif à la fin comme lettre. Et il y aura plus de détails, inshallah, dans les douloureuses de sarf. Rabi'an, makatha Omar bil mustashfa salasata ayyamin. Donc Omar est resté à l'hôpital 3 jours. Lam yamkuth Omaru bil mustashfa salasata ayyam. Donc Omar n'est pas resté à l'hôpital 3 jours. Au contraire. Alaja at-tabibu Omar amsi. Le docteur ou le médecin a soigné Omar hier. Lam yu'alij at-tabibu Omar ams. Le médecin n'a pas soigné Omar hier. Et alaja c'est un ruba'i. C'est un ruba'i avec 4 lettres. Donc c'est you au début et c'est une kasra pour la fin. Yu'aliju. Pas oublié. Maintenant, Thanian, Istamir ou Raddit, il n'y a que le contraire maintenant. Là, on a pris Moudaria ou Mardi. Ou plutôt Mardi et Moudaria, Rakin et Moudaria Mardi, Menfi. Un présent qui revient au passé avec une négation, à cause de l'âme. Maintenant, il va faire quoi? Un Moudaria et un Moustakbel, présent et futur. Yaqul. يفحص الطبيب المريض غدا. Donc le médecin, voyez, auscultera le malade demain. Et là, il n'y a pas mis ça. Pourquoi? Parce que le mudarir tout seul, quand yufidu mustaqbal, bikarina. Quand tu as un indice qui t'indique que c'est le futur, comme là, gaden, voyez, c'est-à-dire que là, le mudarir, il veut dire demain. Donc nous, on le traduit par le futur. Dès que tu peux dire comme cela va venir maintenant, Sayaf Hasu Tabibul Marid Raden. Et là, pour nous en français, il n'y a pas de différence. On va faire la même phrase. Que le médecin consultera, auscultera le malade demain. Donc le Mudari, Yufidu al-Hal, al-Hadir, c'est-à-dire le temps actuel, ou également le Mustakbel, le futur. Et ça, tu le déduis par le sens de la phrase. Et également par des indices comme la raden, مثلاً. ثانياً يحول الطبيب المريض إلى المستشفى مساء الغد. Donc le médecin, là également on est obligé de mettre au futur en français, transférera le malade à l'hôpital demain après-midi. Masa, en fait, c'est l'après-midi, ça peut être aussi le soir. À la base, el masa, le vrai temps du masa. Amen. C'est de Bad al-Zawel, après Zor, il a monté sa fête d'Aïd jusqu'à minuit. Le Raten, c'est ça le Massa. Maintenant, tu as d'autres temps. Des fois, le Massa, c'est pas la Asa. Mais réellement, littéralement parlant, si tu cherches dans le Mourjem arabe, dans le dictionnaire arabe, le Massa en arabe, c'est de Bad al-Zor. Il est montassé fait le lait. Et quand on dit masalan askar le masa, c'est pas là qu'il faut que tu les fasses. Il faut que tu les fasses après l'asar. Entre l'asar et le mardi. Parce que là, il y a des adillés qui disent que c'est là qu'il faut les faire. Mais le ratem, le massa, aoussa min dhalik. Summa. Attends, je vais arrêter où là? طيب ثم سيحول الطبيب المريض الى المستشفى مساء الغد donc là c'est pareil c'est le même sens que le tabib va transférer le malade à l'hôpital طيب demain après-midi en fait dans l'après-midi du lendemain c'est ça qu'il veut dire ثالثا يمكث المريض بالمستشفى اسبوعا Donc, le malade reste à l'hôpital une semaine. Mais là, rester là, c'est le même sens que Abqa, tout ça que, On peut dire Abqa, le malade, c'est une stache au Zboa. Mais Makafas, c'est aussi un sens de rester, de s'installer. Mais il est mouradif de Baqi et Abqa. C'est un synonyme. Non, on pourrait dire Abqa. Il n'y a, a pas de différence. Abqa. Il n'y a pas de Abqa. Là. وزبوعه لا في السمن سيمكث المريض بالمستشفى أسبوعا pareil que le malade restera à l'hôpital une semaine رابعا يعالج الطبيب عمر غدا donc le médecin là on est obligé de nous le mettre au futur à cause du mot غدا il soignera عمر demain سيعالج الطبيب عمر غدا là on a rajouté le signe pour le futur mais dans la traduction il n'y aura pas de différence que le médecin soignera عمر غدا et ça c'est signe c'est pour un futur proche et quand il met saufa c'est un futur plus lointain si tu mets saufa à la place de signe c'est un futur plus lointain Et le signe, c'est un futur plus lointain que quand on n'est pas. Tu vois ce que je veux dire, par exemple, tu mets. C'est Allah, Alain. Ça dépend de la phrase. Moi, j'ai pas, de... j'ai pas entendu de call là-dessus. Je ne peux pas te dire. Je peux juste te dire que c'est au fait, c'est un futur plus lointain que le signe. ثالثا حاول كما في النموذج. النموذج فحص الطبيب عمر. Après, il faut rentrer l'âme dedans. L'âme yafhasid tabib ou Omar. Ça revient comme le premier qu'on a lu. Le Hamma, c'est la fièvre, ça. Hamma. Non, c'est la fièvre. Donc, ça, Inch'Allah, ça y'a qu'on ou les radines. Et ensuite, l'autre, il n'y a pas d'énoncé. Je sais pas s'il y a une erreur d'imprimé ou quoi. La page d'à côté. C'est futur, ça. Ouais, ce que je pense qu'on va mettre avec signe. Vous réécrivez les phrases en mettant signe. Et le fait qu'il y ait l'youm, maman yadour. Le fait qu'il y ait l'youm, hein, par exemple, yakoul, yattasilu Ibrahimu bilisaf l'youm. Taïeb, que Ibrahim appelle les secours aujourd'hui. Comme tu peux le futur aussi. C'est yattasilu Ibrahimu bilisaf l'youm. Ibrahim va appeler les secours aujourd'hui. Là, l'youm, là, tu peux mettre le futur. C'est parce que ça peut être maintenant, ou enfin après. Dans la même journée. Ma fihi aymania. Par contre, si tu as mis ams, là, tu peux pas mettre ça. Ça y a passé le Hams. Là, non. C'est Ibrahim après l'arabe, les urgences aujourd'hui, c'est ça? Non. Et le bil, pourquoi il y a bil? Parce que bil, normalement, c'est pas. C'est quand il y a tassil, on a dit il y a tassil pour appeler, tu dis bil ou li. Alors, Fakat, def kassir, Elio. وما زلنا لغادين أن تكتبوا جملا حتى أنت عبد الرحمن للتمرين للدرس précédent السابع بعد فقدك إسعاف ومنتصف والبيضاء والبطن والنجاح وكيل الخميس طيب نكش ودماء السابع سلمو وكذا في دي فراس سامبل طيب اهم شيء جمل مفيده فيها هذه الكلمات باسكو مو ان فيت كي جو كومبرون با مو سي لي نون جي با سي سي دي نون دي ادجكتيف دي جو سي تو كوني السنس دو مو كوم اون لا بري لا با بون دو تو لي مو لا اون لوز ابري ابري سا تو لي ميتر سي جو دي النجاح سي لا ريوسيت سي ان ادجكتيف سي جو دي النجاح سي جو لا ريوسيت إسعاف للسكور سنة ديكتيف دونك سي تاكل المعنى المشكلة يبقى المشكلة سي دي كبير نعم غران بيضاء بايضاء سي ديكوا بيضاء سي ديكوا بيضاء بلانش طيب سا سي كوا سا سي شو ما ديكتيف ايوا دونك يبقى تخلم مي par contre j'ai une question comment on différencie بيضاء de بيضاء Beidatoun. Il y a un tel Beidatoun. Ouais, tu viens de le dire toi-même. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, mais quand tu parles, généralement, tu ne dis pas le tel à la fin. Tu vois, souvent, quand les gens ils parlent, ils ne disent pas le tel. Tu vois, tu ne dis pas. Je viens de quel je fais une Beidan. Je veux une blanche. C'est ça que ça veut dire. Moi, franchement, je te dis la vérité, je le dis, il me comprend direct. Donc, il était. Et bah donc c'est ça que je fais comprendre, il n'y a pas de mouchkila, ça c'est toi qui t'invente de Majagil. Il n'y a aucun mouchkila. Quelqu'un dans Dekin dit Oulido Beida. Le Dekin dit, tu crois qu'on comprend, je veux une blanche. Il sait que c'est un neuf que tu veux. C'est Marcoul. Tu vois. Ouais, il y a des phrases, elles sont wadiha. Tu vois, faut pas vous laisser aller trop loin dans le tafkir, ce que je veux dire. Le truc il est, s'il est clair, il est clair. Il n'y a pas de mouchkila dedans. Beida et Beidatoun, dans la phrase, c'est tout ce que tu veux dire. Il n'y a aucun mouchkila là. Tu vois, ça, c'est des wasaous qui viennent comme ça pour te compliquer la tâche. En train de réfléchir, c'est tout simple, mais attends. Il faut que la chose soit trop facile pour qu'elle soit dure. Attends. Comment je la rends dure et tout. Là, ça, c'est des wasaous. Il n'y a rien de, là-dedans, Inch'Allah. Et le lem, si on avait dit ça, on avait parlé de ça. Le lem, c'est quoi? C'est un passé ponctuel ou c'est un passé, on va dire, qui dure, enfin, qui a duré? Comment ça? Tu m'as compris ou pas? Par exemple, c'est quelque chose d'habituel ou c'est quelque chose de ponctuel? Par exemple, parce que quand tu parles à l'imparfait, par exemple, en français, quand tu dis « je faisais », c'est-à-dire que tu avais l'habitude de faire quelque chose. Là, fihada, c'est quoi? C'est « je n'ai pas fait », c'est « je n'ai pas fait ». Fihada, fihada, fihada, l'en, khana, khuzma, khana. Toi, déjà, il y a une maîtrise qu'on a pris. Et ça c'est pareil, ça c'est le même bête. C'est comme quelqu'un, je sais pas, il arrive là, un exemple, il fait le code de la route, il dit ouais comment on freine et tout. D'abord apprends les signaux, apprends le stop, apprends le feu rouge, et après quand tu es dans la voiture, on t'apprendra à freiner. Tout ça pourquoi? Pour te compliquer quelque chose qui est devant toi, tu vas la faire oublier pour aller plus loin et à la fenêtre, tu n'auras ni plus ce qu'il y a devant, ni ce qu'il y a derrière. Tu seras resté au milieu en fait, tu dis bah, je sais plus où je suis. Là c'est la même chose. Ça c'est un truc que je voulais pas donner, comme je dis souvent frère. Et ça, j'ai remarqué souvent les gens donnent un ders, on leur donne un ders simple, et il va se compliquer la tâche. Et à la fin, en fait, on enlève tout, il dit ouais, ça va trop vite, c'est trop dur, j'y arrive pas. Et imagine-toi, je te redonne en plus ce que tu me demandes comme question. Je te demande en plus ce que tu veux poser comme question. Le ders, j'en fais 4 livres. C'est faisable, mais c'est pas le but. Sinon, après, ça va te dégoûter. Il faut bien comprendre ce qu'on utilise aussi. Enfin, on le lève si on sait. T'arriveras jamais à parler l'arabe en une semaine. Hein? T'arriveras pas à parler l'arabe en une semaine. Même les relèvements, quand ils font un livre, non, ils donnent. Ça, c'est arrivé à Zayd bin Thabit. Il a appris la langue des Juifs en 17 jours. Ça, c'est un miracle, propre à lui. Et ouais, frère. Donc, moi, je me dis, si ça lui arrivait, Inch'Allah, ça devrait arriver. Moi, je crois plutôt que tu vas arrêter l'anglais arabe peut-être en 17 jours, si tu fais comme ça. C'est ça qui va se passer. Mafoum alors ? Fain tabihu le wasal shaitan, qui veut vous faire aller trop vite pour justement faire, vous faire abandonner. C'est vrai, mais. Non, fain la huna.